Tu cherches l'événement incontournable de la fin d'été en Touraine? Le festival Oh la Vilaine t'ouvre ses portes les 23 et 24 août à Vilaine-les-Rochers. Deux jours pour te plonger dans un univers made in Vilaine. Musique éclectique, déco unique, repas fait maison, animation délirante. Prépare-toi à donner de ton corps, ça va être sportif. Vendredi 23 et samedi 24 août, ouverture des portes à 19h. Camping gratuit pour les festivaliers, toutes les infos sur olavilaine.com. La colère monte et les mecs se lâchent, il va y avoir du sport.